Mardi 2 octobre, davantage de division et de séparation. Lisez Genèse chapitre 11, des versets 1 à 9. Qu'est-il arrivé ici qui n'a fait qu'aggraver le problème de la séparation et de la division? Les événements rapportés en détail par la Bible suite au déluge sont la construction de la tour de Babel, la confusion des langues, puis la dispersion des peuples qui jusque-là ne parlaient qu'une seule langue. Certains descendants de Noé, peut-être attirés par la beauté du pays entre les fleuves Euphrate et Tigre et la fertilité du sol, décidèrent de se bâtir une ville et une tour dans le pays de Shinéar qui se trouve aujourd'hui dans le sud de l'Irak. L'archéologie a révélé que la Mésopotamie était une région fortement peuplée des premiers temps. Parmi ces peuples se trouvaient les Sumériens, auxquels on attribue l'invention de l'écriture sur des tablettes d'argile. Ils bâtissaient des maisons bien conçues et étaient passés maîtres dans la production de bijoux, d'outils et d'ustensiles de cuisine. Les fouilles ont également permis de retrouver de nombreux temples en forme de tours, consacrés au culte de différentes divinités. Les descendants de Noé, qui s'étaient installés dans le pays de Shinéar, oublièrent bientôt le dieu de Noé et les promesses qu'il avait faites de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. La tour de Babel devait être un monument à leur sagesse et leur talent supérieur. Leur soif de notoriété et de renommée, le désir de se faire un nom, fut l'un des mobiles de ce projet de construction. Selon le dessein divin, les hommes devaient préserver l'humanité par le lien de la véritable religion. Quand l'idolâtrie et le polythéisme brisèrent le lien spirituel, ils perdirent non seulement l'unité religieuse, mais aussi l'esprit de fraternité. Un projet comme la tour pour préserver par un moyen extérieur l'unité intérieure qui avait été perdue ne pouvait réussir. La chute d'Adam et Ève fit voler en éclats l'unité de l'espèce humaine et le plan originel de Dieu. Elle entraîna la confusion au sujet de l'adoration, la propagation du mal et de l'immoralité sur toute la terre et en fin de compte, la séparation de l'humanité en de nombreuses cultures, langues et ethnies qui depuis lors se sont souvent retrouvées en conflit les unes avec les autres. Quelles mesures pratiques peut-on prendre pour contribuer à remédier aux divisions ethniques, culturelles et linguistiques qui nous sont préjudiciables même dans l'Église ?